If it doesn't... Correctly with the correct amount. Es moi que tu es mon amour. If it doesn't... T'en va pas si tu ne reviens. Je veux pas faire un trop long discours. Je t'aime tant si tu... Ça peut pas finir, laisse-moi pas comme ça. Je veux pas caler dans votre cas, mais je m'appuie sur mon cas. J'ai les ongles rongés au tracas, t'es parti sans vertir, comment ça? J'ai rien fait pour te retenir. Asti, j'ai choqué, c'est tout fucké ma vie. J'étais tellement toi, pour moi t'avais aucun prix. Mon père m'a toujours dit que un gars ça brûle pas. Puis que c'est fait fort, ça prend le poids sur ses bras. Désolé, pas là, c'est vraiment plus fort que moi. L'amour m'a battu, puis j'ai pas vu d'autre choix. J'ai droppé une coupe de pied sur mon cas, ça l'a fessé. J'ai de la misère à vivre. J'ai mal à crier, sur papier j'ai tant écrit, j'ai tant rêvé de dormir. Essayer d'oublier, mais la force c'est les souvenirs. Je veux pas me réveiller dans un monde effondré. Ça met sur grand vide au milieu de la vérité. J'ai la tête dans un étau, le corps à côté du bateau. Je coule parmi les vagues, je peux à peine pour le hublot. On était fort, j'étais à toi jusqu'à la mort. Mais ça a l'air que pour un shit, je prends le bord. Laisse-moi dire que t'es mon amour. T'en vas pas si tu ne reviens. Une tête sur les épaules, ton départ me le fait perdre. Avant c'était trop sweet, maintenant c'est juste la merde. C'est sûr que je t'enrageais, mais pour être franc j'ai plus de peine. J't'avais dans mes peines, t'étais sur le chemin que je mène. J'ai pas à être traité de chienne, juste pour venger mon chagrin. Mes nuits blanches, je les ai pensées à penser au destin. Je sais que j'ai fucké une petite partie de notre histoire. Comme une œuvre de poulet qui a pas passé encore. Mais laisse-moi m'expliquer, j'suis sorti dans un club. Colle une groupe de chums pour pouvoir caler des bocs. J'avais pas la tentation d'étaler dans un bar. Faut changer mes idées, je me souviens ce jeu de soir. J'étais pacté à l'os, y'avait trop de verre dans mon corps. Oh shit, je voulais tout croche à cause des joutes de fort. Je pensais à toi, j'avais hâte de te revoir. J'étais tenté de m'asseoir, je me suis levé pour mieux voir. J'ai décidé de danser pour peut-être dégriser. Juste pour danser, en même temps pour défouler. J'avoue que j'avais du fun sur une touche de merengue. Je dansais avec une chick, si on était pas mal collé. Mais c'est arrivé comme ça, à m'embrasser. Même plus sûr de son nom, j'étais trop sous pour penser. C'est pas une excuse, j'ai pas eu le temps de réagir. Mais après, on s'est dit qu'il fallait partir. S'il te plaît.